Cinquième et dernier épisode de notre série de reportages consacrés à la campagne, aux agriculteurs, aux champs, aux fleurs des champs, et aux moyens radicaux d'exterminer les fleurs des champs, moyens d'herbicides dangereux pour la santé. Mes chers petits embryons desséchés de l'oturie, aujourd'hui, à l'occasion de cette dernière émission, c'est l'heure du bilan. Depuis le début de l'émission, chers auditeurs, je vous ai appelé successivement mes chers petits ruisseaux de mayonnaise, mes chers petits pots pommes-poires pour bébé, mes chers petits grumeaux de gorgonzola, mes chers petits morceaux de jambon racorni, et juste à l'instant, mes chers embryons desséchés de l'oturie. Je tiens à m'en excuser. Mon intention n'était pas de choquer. Loin de moi cette idée, je voulais juste créer un malaise profond et malsain. Monsieur Bardamu, qui a été notre guide toute cette semaine, ouais, a lui aussi des excuses à fournir. Ouais, en effet, depuis lundi, pendant chaque émission, je fais des grimaces avec la bouche. Or, je sais bien que ça n'a pas eu de conséquences sur l'émission, puisque c'est de la radio. Mais je dois bien avouer, si j'ai fait ça, c'était dans l'intention de nuire, putain. Moi, je suis désolé. Bien, merci, monsieur Bardamu. Et puisqu'on en est à l'heure des confessions, je peux vous le dire, je présente l'émission depuis le début dans un costume de lapin. Mais il faut le dire, ça, aux gens. On se sent mieux quand on a dit les choses. Oui, en effet. Mais ça tient toujours aussi chaud. Vous devriez faire comme moi, tout nu, avec le Jean-Paul à l'air, putain. Hein, mais c'est inouï, c'est quand même... Qu'allons-nous découvrir ensemble pour cette dernière émission, monsieur Bardamu? Je m'en vais vous montrer mon abattoir à poulet. Ah, voilà qui est intéressant. Dites, arrêtez de faire des grimaces, c'est fatigant. Vous m'aviez promis d'arrêter. Mais j'ai jamais dit ça, putain. Tiens, voilà l'abattoir. C'est ce grand hangar de fer. C'est étonnant. De l'extérieur, on ne pourrait pas savoir que c'est un abattoir. Mis à part le fait qu'il y ait écrit dessus en grand « abattoir pour poulet ». On fait preuve d'une naïveté parfois. Tenez, au début, quand on s'est rencontrés, je vous ai pris pour monsieur Bardamu. Mais je suis monsieur Bardamu, putain, mais il faut le dire, ça vaut gérer. Pas de ça avec moi. Vous êtes Monseigneur Pizzicato, l'évêque de Palerme. Le pape vous a excommunié pour avoir déclaré que puisque certains évêques gâteux avaient une âme, on pouvait se mettre à baptiser des batraciens inférieurs. Oh putain. Vous avez passé la frontière dans votre véhicule de fonction et effectué plusieurs braquages à main armée dans les banques de la région. Sans même quitter votre robe d'évêque. Oh, faut arrêter de raconter ça. Recherché par toutes les polices sous le titre de braqueur violé, vous êtes venu vous cacher ici dans cette ferme sous le nom de Bardamu. Vous aviez pratiquement réussi, Pizzicato. Mais vous avez commis une seule erreur. Vous avez laissé votre robe, la mitre et la crosse dans le coffre de la Ferrari. Bon, ok, vous êtes le plus fort. Combien pour entre votre silence? Je veux un canard gras et une douzaine d'œufs. C'est tout. Mais pour le même prix, je vous offre 10 litres de lait de la ferme, un bocal de foie gras. Non, non, non, vous m'avez pas compris. Je veux un canard gras et une douzaine d'œufs. Compris? Canard gras et une douzaine d'œufs. Comprends pas. 1 120 000 francs. C'est pourtant clair, non? En liquide. Bah, donnez-moi 15 jours pour réunir les fonds, merde. Je vous en donne 10. Bah, allons voir cet abattoir à poulet, putain. Nom de Dieu, il y a la Marguerite qui vient de lâcher la flotte. Quoi? C'est une catastrophe, la Marguerite. Elle va voir son bout. Mes chers petits bouts de ficelle trempés dans de la confiture et roulés dans du sable, je crois que nous allons assister à une naissance. Un merveilleux événement qui viendra ensoleiller notre cinquième et dernière émission. Venez, vous allez m'aider, nom de Dieu. Oh, mais je n'y connais rien, moi. Et vous allez apprendre. Tiens, allez, viens là. Oh là, Margot. Allez, calme-toi, ma douce. Allez. Ça va sortir par où? Pas de problème, ne t'inquiète pas. Mais par là, évidemment. Ah, c'est moche. Mais non, c'est la nature, il n'y a pas de quoi, un parfait, un flamant rose. Bon, faut voir comment ça se présente. Vous avez du matériel pour faire une échographie? Ben non, je vous ai, n'est-ce pas? Vous m'avez? Vous allez mettre la main à la pâte, comme on dit. Je voudrais savoir si c'est la tête qui se présente la première. Allez, maniez-vous, putain. Je vois, c'est une expérience. Mais pressez-vous, quoi. J'y vais. C'est chaud. C'est tout collant. Bah dites, faudra mettre le bras aussi, hein. Ah! Le bras aussi? Oh, bon. Alors, vous sentez la tête, oui ou merde? Bien, je suis pas bien sûr. C'est vaguement la forme d'une tête. Oh putain, mais c'est... Mon Dieu, mais c'est émouvant. Vous pensez que je pourrais choisir son nom? Allons, quel nom lui irait bien? Infâme truc gluant? Non, je plaisante. Ah! J'ai touché ses oreilles. Non, Jean-Paul lui irait bien. Ou Chiquito. Je peux enlever le bras? Je crois que je suis coincé. Monsieur Bardamu, où êtes-vous? Monsieur Bardamu! Je sais pas comment je me fous dans des situations pareilles. Rien à faire, c'est coincé. Monsieur Bardamu! Et avec ça, j'ai cette douleur au cœur. J'ai quand même pas faire un infarctus maintenant. Je me sens si faible. J'ai le froid de partout. C'est vous, Patrice de Bléhac? Oui, pourquoi? Je suis venu vous chercher pour le grand voyage. Quel voyage? J'ai gagné le concours des yachts Lopier? Dites-moi, c'est vrai? Non. Ça m'aurait étonné. Dites, vous pourriez pas m'aider à me sortir le bras? Je sens plus mes doigts. L'heure est venue, Patrice de Bléhac. Je suis venu pour vous emmener, pour le voyage dont personne ne revient. On part avec la vache, alors? Et puis, qui vous êtes-vous? Vous refusez de m'aider? Et vous restez là, planté, à me baratiner des foutaises avec votre grande robe noire et votre gueule d'enterrement? Je suis la mort. Ah, je vois. Mais pourquoi maintenant? Je comprends, j'ai eu un petit malaise tout à l'heure. Mais maintenant, ça va mieux, regardez, je pète le feu! Non, regardez là-bas. Vous êtes étendu dans l'herbe. Quand j'ai dit il y a un instant que vous aviez une tronche d'enterrement, je ne le pensais pas, non. Votre robe est très bien, franchement. Puis vous avez une jolie faux, hein. Faudra faire attention à ne pas vous blesser avec. Éteignez ça, je ne veux pas laisser de preuves. Mais, mes chers petits canapés de terrine de saumon, je suis obligé de vous quitter. C'est bien à contre-cœur que je vous souhaite, là, pour une dernière fois, une bonne fin de soirée et un bon week-end. Éteignez ça. Adieu, mes chers petits bouts de... Mais où ça s'éteint, ça? Ok.